je veux vous présenter notre atout commercial à l'export. Un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up. Assalamu alaikum, mangete de Marc. Commercial memrek la baguette. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Pour la relance, pensez export. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles et dans le cadre de la journée que France Inter consacre à la jeunesse et à ses forces vives sous le titre Génération Demain, voici l'histoire de La Haine de Mathieu Kassovitz, film culte et claque. Le 31 mai 1995, La Haine sort sur les écrans français, oui, comme une grande claque. Pendant une heure et demie, le spectateur découvre 24 heures de la vie de trois mecs de banlieue qui basculent en une minute. Le film engrange 2 millions d'entrées et devient presque aussitôt un film phénomène de société premier du nom. La Haine, c'est le portrait d'une jeunesse populaire désœuvrée, sans travail, confrontée à la violence policière et à l'ennui. Le portrait d'une époque aussi, celle des années 90 et de la fracture sociale, de la génération Black Bomber et de l'événement de la culture hip-hop. C'est enfin l'histoire d'un réalisateur et de son deuxième film, Mathieu Kassovitz, acteur révélé par Jacques Audiard, cinéaste engagé dans son époque. À 27 ans, il devient une figure de proue du renouveau du cinéma français avec cette rengaine « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage ». Quartier sensible, affaires sensibles, notre invité aujourd'hui, Hugo Vitrani, commissaire de l'exposition « Jusqu'ici tout va bien », présenté au Palais de Tokyo en septembre dernier, en collaboration avec l'école Courtrajmé, une école de création à Clichy-Montfermeil, fondée par le réalisateur Laj Li. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonsoir. We now declare the 48th International Cannes Film Festival open. Mercredi 17 mai 1995, Festival de Cannes, 48e du nom. Moteur, ça commence par une ritournelle entrée dans les mémoires. Pour ouvrir la cérémonie, Vanessa Paradis, 23 ans, reprend le tourbillon de la vie. Hommage au film de François Truffaut, Jules et Jim, et à son actrice, Jeanne Moreau. Elle est cette année la présidente du jury, émue aux larmes lorsqu'elle s'avance au pied de la scène du Palais des Festivals, la main tendue vers la jeune chanteuse, leurs deux voix l'unisson. So chic. Neuf jours plus tard, même palais, autre ambiance, et une image, elle aussi entrée dans la postérité. Ce soir, du 26 mai 1995, est projetée La Haine, dernier film français encore en compétition, celui dont tout le monde parle, promis au scandale. Dans le dossier de presse, son jeune réalisateur, Mathieu Kassovitz, annonce la couleur. La Haine est un film contre les flics et je veux qu'il soit compris comme tel. Eh bien, il ne sera pas déçu. Lors de la montée des marches, les policiers du service d'ordre du festival protestent en tournant le dos à l'équipe du film, qui, elle, jubile. Le réalisateur et ses acteurs, Vincent Cassel, Saïd Dagmaoui et Hubert Koundé, paradent sous les flashs des paparazzi, fiers comme des princes dans leurs costumes noués. Et ceux qui ne les prennent pas encore au sérieux vont vite déchanter. Silence dans la salle, les lumières s'éteignent, l'écran s'allume, générique. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. La Haine, c'est l'histoire d'un drame annoncé, le compte à rebours implacable d'une journée qui finira une balle dans la tête. Vincent Cassel et Vince, Saïd Tagmaoui et Saïd, Hubert Koundé, cousin Hub. Trois potes black blambeurs qui traînent leur ennui quelque part en banlieue parisienne, la cité des Muguets, embrasée par une nuit d'émeute. Dans la matinée, à 10h38, on compte un blessé grave parmi les jeunes insurgés, Abdel, 16 ans, et un flingue perdu du côté de la police. C'est Vince qui trouve l'arme. Une petite idée derrière la tête, un doigt sur la détente. Comment il est mortel en vérité, putain. Hubert Temas. Il est beau sa mère. Et alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-y, arrête. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-y, on verra si Abdel meurt. Vas-y, à mon tour. Là. Attends, tu veux buter un keuf? Quoi, tu connais un autre moyen, toi, pour se faire respecter? Et tu crois qu'aligner un Schmitt, ça va ramener le respect? Le respect, je sais pas, mais en tout cas, ça rétablira la balance. Si t'as besoin d'un caillou, t'as qu'à me le demander. C'est pas pareil, celui-là. Ah, parce que tu te crois en mission? Quoi, qu'est-ce que tu me parles de mission, là? Ça va, quoi, c'est moi qui l'ai vétrou, c'est tout, on prend pas la tête. Et ça va lui faire du bien, Abdel? Abdel, je sais pas, mais à nous, ouais. Avant d'exécuter éventuellement son programme, Vince flambe tant qu'il peut. Son magnum calibre 44 fait pousser des ailes à sa haine et il traverse le périph'. 18h22, les trois Lascars débarquent pour quelques heures à Paris, à un autre mode, hostile, étranger. Partout, tout le temps, il y a une nouvelle occasion de déraper. Un dealer qui leur doit de la thune, un vol de bagnole foireux, un vernissage branché, les taux se resserrent. 20h17, Saïd et Hubert sont interpellés, interrogés par deux inspecteurs racistes. En face, un troisième flic regarde la scène, visiblement affligé. Impassible pourtant. Alors sortis du commissariat, les trois potes se retrouvent sur le quai du RER et ratent le dernier train. Enfermés dehors, la nuit s'emballe. Ils apprennent sur un écran géant installé au Forum des Halles la mort d'Abdel, qui a succombé à ses blessures. Vince fémine de tirer sur tout ce qui bouge, sur des pervenches qui contrôlent une voiture ou sur un skinhead nerveux. 6h du matin, fini la nuit blanche, retour au pied de la tour, cité des Muguets. Vince rend les armes, confie son magnum à Hubert et s'éloigne de son côté avec Saïd. 5 mètres plus loin, ils sont contrôlés par la police, comme ça, pour rien. Un inspecteur du coin appelé Notre-Dame menace alors Vince avec son flingue pointé sur sa tempe, histoire de lui faire peur. Hubert accourt, trop tard. Le coup est parti, une bavure. Le cercle vicieux se referme. 6h01, Vince est mort. Hubert et Notre-Dame se font face, les bras tendus, pistolet à bout portant. Travelling avant, on ne voit plus que Saïd, les yeux plissés dans l'attente insupportable de l'ultime coup de feu. Écran noir. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Les lumières se rallument dans la salle du Palais des Festivals. Les spectateurs sont abasourdis, chaos debout, ou plutôt assis, devant ce shoot de violence en noir et blanc qui raconte une France clivée et qui témoigne de la situation de crise dans les banlieues. Ce n'est pas un malaise que décrit Mathieu Kassovitz, mais un état de guerre larvé, prêt à exploser. À l'époque, le sujet est quasiment inédit au cinéma. La forme, elle, est remarquable, une énergie folle entre comédie et tragédie, des images soignées, un montage sonore travaillé et un jeu d'acteurs sans fausses notes. D'ailleurs, la presse est dithyrambique, et le jury suivra. 2 jours plus tard, lors de la cérémonie de clôture, Mathieu Kassovitz, suite et Baggy Noir, reçoit en effet le prix de la mise en scène. À 27 ans, il est la grande révélation du Festival de Cannes 95. Ce qui n'est pas forcément pour lui plaire. La haine, déjà, ne m'appartient plus, dira-t-il quelques jours plus tard, happé par l'effet de mode, puis accusé par certains de se faire du beurre sur le dos de la banlieue. Alors, inlassablement, Casso, comme on l'appelle, enchaîne les interviews pour rappeler, expliquer ce qu'est la haine, la sienne, la leur. Tout le branle-bas qu'il y a eu, tout le bordel qu'il y a autour du film ne casse pas le thème, espérons. C'est pas un thème à la mode, c'est un thème sérieux. Faire parler de ce sujet ici, ça le sort un peu d'un carcan de clown et de zoo. On est sérieux, on travaille, on pense à ce qu'on fait. On fait pas, je parle pas de cinéma, je parle de plein de choses. Je parle des mecs qui taguent, tout ce qui est autour du milieu dans lequel moi je traîne. C'est sérieux, c'est pas de la fanfreluche, c'est pas là pour frimer. C'est là depuis 10 ans. C'est des mecs qui risquent leur vie pour faire des trucs et il faut les écouter. Et quand t'as des mecs qui taguent dans le métro leur nom et qui risquent de se faire électrocuter ou de se faire bouffer par des chiens, c'est pas par vandalisme pur et simple. C'est aussi pour autre chose. Même si eux ils disent que c'est par vandalisme pur et simple. Mathieu Kassovitz n'a pas grandi en banlieue, mais à Paris, plutôt rive gauche, tendance bohème. Son père, Peter Kassovitz, est cinéaste. Sa mère, Chantal Rémy, est monteuse. Très vite, l'enfant de la balle se détourne du milieu familial pour se laisser happer par la culture émergente de l'époque, celle de la rue. Au mi-temps des années 80, il découvre le hip-hop, sa langue, son style, ses revendications. Bientôt, il croise la route de la bande d'Assassins, l'un des premiers groupes de rap français formés, entre autres, par Rockin' Squat, le frère de Vincent Cassel. Ensemble, ils écument les hauts lieux du hip-hop parisien, le globo, les bains douches et traînent aux zinc des Halles. Entre Mathieu et Vincent, naît une amitié forte. Lui aussi, c'est un fils d'eux. Jean-Pierre Cassel, en l'occurrence, acteur et danseur. Et lui aussi brûle de faire ses preuves. Dans le cinéma, notamment. En 1993, pour son premier long-métrage, Métis, Mathieu Kassovitz confie d'ailleurs un rôle à Vincent Cassel, qui fait là ses débuts devant la caméra. Une comédie déjà black blanc beurre qui a son petit succès critique. Mathieu, lui, pense à la suite. Un deuxième long-métrage qui serait comme un cri de révolte loin du cinéma de papa version années 90. Le cinéma va bien, mais le problème, c'est qu'il y a des mauvais films. Donc, moi, en tant que spectateur, je vais pas voir les films français parce qu'ils me font chier, mais ça, c'est mon point de vue de spectateur personnel. À part ça, le cinéma va très bien, les salles de cinéma marchent très bien, la technique fonctionne très bien, et il y a toujours assez de pellicules pour mettre dans les caméras, donc le problème n'est pas là. Depuis le début des années 90, la France connaît une augmentation spectaculaire du chômage, surtout chez les jeunes et plus encore parmi les enfants français de parents immigrés. Les quartiers dits sensibles, où se concentrent les familles d'origine étrangère, se ghettoïsent jusqu'à devenir les territoires oubliés de la République. À Vaux-en-Velin, Mantes-la-Jolie, aux Minguettes ou à Chanteloup-les-Vignes, les affrontements avec les forces de l'ordre sont de plus en plus fréquents. En 1993, la droite revient au pouvoir, tandis que le Front National confirme son ancrage, il fera une percée historique aux élections municipales de 1995. Enfin, la réforme du Code de la Nationalité, dite loi Pasqua, est votée par la nouvelle Assemblée. Le contrôle aux faciès et les bavures policières se multiplient. Le 6 avril 1993, Mathieu Kassovitz apprend ainsi la mort de Makome Mboule, un jeune Zaïrois de 17 ans tué par un policier dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Voici les faits. Quelques heures plus tôt, dans la nuit, Makome a été arrêté avec deux amis, les bras chargés de cigarettes volées. Les deux jeunes passent la nuit en cellule. En fin de matinée, le parquet ordonne la levée de leur garde à vue, dont Makome. Mais à 15h, il est toujours là. Et l'officier Pascal Compin décide de l'interroger à nouveau. Il pense pouvoir lui faire avouer un vol avec effraction. Mais furieux de ne pas y parvenir, Compin sort alors son arme de service et appuie le canon sur la tête du jeune homme pour lui faire peur, dira-t-il. Bavure, le coup part. À 16h30, Makome gît sur le sol, le crâne troué. Le lendemain, 7 avril, une manifestation en sa mémoire est organisée devant le commissariat du 18e arrondissement. 300 personnes font face à un cordon de CRS, harnaché comme jamais. Et bientôt, c'est l'émeute. Parmi les jeunes révoltés, Mathieu Kassovitz. À la fin de la manif, le cinéaste a trouvé le sujet de son prochain long-métrage et son titre, comme une évidence, La haine. Le producteur, Christophe Roncignon, s'en souvient. Dans le documentaire « Il était une fois à la haine », réalisé par Guillaume Moskowitz en 2011. Le lendemain, il y a eu une manif devant le commissariat où c'est arrivé. Mathieu faisait partie de la manif. L'après-midi, il est venu me voir, il m'a dit « Je vais absolument faire un film sur ça ». Et il a commencé à me raconter la haine. Pas tout à fait comme la haine l'est devenue, mais quand même. Et puis je lui dis Banco. Je lui dis, j'y connais rien, je sais rien de cet univers, tu sais d'où je viens, je suis fils d'agriculteur d'un petit bled du nord de la France. Il m'a dit, tant mieux, t'es mon spectateur. Donc, j'en ferai pas un film, entre guillemets, de spécialiste, c'est pas le terme, il était pas non plus spécialiste de la banlieue, mais tous ses potes venaient de là, il y était tout le temps fourré. Tant que j'en fais pas un film où des gens comme toi rentreront pas, ça veut dire que j'en fais pas un film, que je fais pas du cinéma, et que je fais un docu, ça m'intéresse pas. À 25 ans, Mathieu Kassovitz tient là l'idée de sa vie. Il va tourner un film sur les cités, raconter la fracture française à travers le parcours de trois potes, un juif, un arabe, un noir. Mais pas pour faire de la sociologie romancée, non, ni un tract de militant. Non, plutôt mettre un grand coup dans la fourmilière et répondre, peut-être aussi à cette question qui l'obsède, comment peut-on se lever le matin et mourir le soir même d'une balle dans la tête ? C'est l'atterrissage. Déclenché par l'affaire Macomé, le scénario s'écrit vite. D'autant que Mathieu Kassovitz a déjà ses acteurs principaux en tête. Le juif, Vince, ce sera son pote, Vincent Cassel, le plus énervé de la bande. Cousin Hub sera joué par Hubert Koundé, un acteur d'origine béninoise avec qui Mathieu a déjà travaillé sur Métis et dont le calme correspond parfaitement au rôle. Enfin, Saïd sera interprété par le franco-marocain Saïd Tagmaoui, un jeune mec vanneur de la cité des 3000 d'Aulnay. Chaque comédien colle exactement à son personnage, et ils s'en amuseront d'ailleurs sur le plateau du tournage. Extrait du making-of. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut travailler avec les acteurs. Eh, hey, Mathieu, tu vas travailler, enculé. Je me suis adapté au mec que j'avais. Hein. Saïd, il est ce petit troublion qui était quand il était jeune. Il a vachement inspiré ça. Vincent aussi, c'était un peu bon, un mélange de lui et moi, de, enfin, des blancs de quartier. Et puis Hubert, bon, qui est quelqu'un de très posé, très sage, entre guillemets. Un petit peu plus fataliste. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les personnages ? Moi, je veux bien incarner la morale. Ok, bon, moi, je veux bien incarner la morale de l'histoire, c'est moi. Et lui, c'est quoi ? Lui, c'est le... Et lui, c'est le bouffon du roi. Dans le même temps, un autre casting commence, bien plus compliqué. Trouver une cité où on pourra tourner le film. Une quête à travers la France qui va durer plus de 3 mois. De la banlieue de Lyon aux cités parisiennes, l'équipe du film se heurte à chaque fois au même problème. Les mairies refusent de voir leur ville affiliée à un projet qui s'appellerait la haine. Résultat, la production décide de tricher et envoie aux élus un scénario édulcoré, rebaptisé pour l'occasion « Droit de cité ». Jolie trouvaille, soit dit au passage. Sur une quinzaine de villes contactées, une finit par répondre. Chanteloup-les-Vignes, petite ville des Yvelines, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Paris. Ici, il y a 20 ans, en 1973, l'imposante cité La Noë sortait de terre, avec ses lignes courbes, ses aires de jeux pour enfants et ses grands espaces piétons. Une utopie en vase clos, qui ressemble alors à tant d'autres cités dortoirs, construites pour 8000 habitants, des ouvriers et leurs familles pour l'essentiel, venus du monde entier faire tourner l'usine voisine. 15 ans plus tard, la firme automobile délocalise, et La Noë s'enfonce dans la misère. En 1993, lorsque le projet du film arrive sur le bureau de Pierre Cardot, le maire emblématique de la ville de Chanteloup-les-Vignes, il se remet à peine de violentes émeutes. Dans les médias, on la surnomme même, cette ville, Chicago en Yvelines. Depuis, l'édile a appris à se méfier des caméras qui viennent ici comme aux eaux. Or, c'est exactement ce que Kassovitz veut éviter. Lui propose plutôt un regard de cinéaste, loin des clichés. Pierre Cardot finit par accepter, à une seule condition, que l'on n'évoque jamais le nom de la ville. Le deal est accepté. Casso et sa bande ont donc trouvé le décor idéal. Mais l'essentiel n'est pas acquis. Il faut désormais que les habitants de la cité acceptent qu'une équipe de tournage débarque chez eux. Comme le racontera plus tard le réalisateur au journal télévisé de France 2. Les habitants de la cité ont autorisé le tournage déjà et ont participé bien sûr parce que la mairie, tout ce qu'elle fait, c'est nous donner un papier signé. Mais les vraies personnes qui nous laissent tourner le film sont les gens de la cité. Et donc on est allé là-bas bien à l'avance pour leur expliquer ce qu'on faisait, pour leur dire qu'on n'était pas en train de faire un Navarro ou un documentaire. Il faut leur expliquer l'état d'esprit et ils nous ont laissé tourner, ça s'est très bien passé. Pour se faire accepter les habitants de la cité, Mathieu Kassovitz décide donc de les faire participer au tournage. Ils seront figurants, régisseurs, agents de sécurité et médiateurs. Et pour mieux saisir l'humeur et l'humour du quartier, il décide de louer un appartement sur place et de s'y installer avec ses 3 acteurs principaux pendant 2 mois, juste avant le début du tournage. Le jour, ils travaillent leur texte, le rythme, la justesse des dialogues. La nuit, ils traînent avec les grands frères et refont le monde au pied des tours. À la fin de l'été 1994, la bande de Parisiens est adoptée. Le tournage peut enfin commencer, serein. Aux fenêtres et autour du plateau, des centaines de curieux assistent hors champ au spectacle. Et à chaque fois que le réalisateur crie coupé, ils applaudissent à tout rompre. Casso, lui, reste imperturbable, les yeux rivés sur son combo, l'écran de contrôle du réalisateur, impatient d'en découdre. Et dans ce film, il y mettra toutes ses tripes. Qui défend nos droits ? La justice, pourquoi ? La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risques que le dealer de ma... La haine est venue, c'est idyllique. Si vous voulez, nous avons vécu. Je crois. Quand je dirais « je », ça voudra dire « nous » et pour toute l'équipe qui est derrière, je ne sais pas où ils sont, mais c'était archi-idyllique. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais vécu ça, c'est-à-dire que, un tournage où, où tout est en harmonie, tout est en harmonie. C'est-à-dire que Mathieu amène... l'ossature d'une idée, d'un plan. C'est un plan. Souvent, les plans se construisaient le matin. C'est-à-dire que on arrive. Mathieu vient avec une grosse idée majeure. Georges et moi, on amène un truc. Georges, autre chose. Moi, autre chose. Mathieu ramène quelque chose, le toit, et ça forme quoi ? Ça forme un plan qui, à mon avis, il y a 95% des plans que je trouve absolument fabuleux. Et ça, ça vient énormément de Mathieu, mais ça vient effectivement tout doucement de nous tous. Lors de la conférence de presse du Festival de Cannes en 1995, Pierre Haïm, chef opérateur de La Haine que vous venez d'entendre, se remémore avec émotion le tournage du film. Une expérience collective et artistique unique portée par l'exigence de son réalisateur. Chaque matin en effet, en arrivant sur le plateau, Mathieu Kassovitz rappelle le mot d'ordre à ses équipes, une idée par plan, de l'ambition et du panache. Il répète à qui veut l'entendre qu'il n'en peut plus de ces films français sans style. Lui, sa cam, c'est plutôt le cinéma américain, Spielberg, Spike Lee, Martin Scorsese. Des références qui se retrouvent dans La Haine avec parfois quelques clins d'œil appuyés. Le plus célèbre, la scène où, devant un faux miroir, Vincent Cassel se prend pour Robert De Niro, époque Taxi Driver. C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Hein ? Ça, c'est à moi que tu parles, là ? Oh, oh, oh, oh, oh, c'est à moi que tu parles. C'est, mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Avant de réaliser son rêve de cinéma américain, Mathieu Kassovitz a dû affronter la frilosité des financiers, évidemment. Sujet trop sensible, pense-t-il. Le producteur, Christophe Ronsignon, est tout de même parvenu à rassembler un budget de 12 millions de francs, ce qui fait aujourd'hui 2,5 millions d'euros. Mais pas à n'importe quelle condition. Non, la chaîne Canal Plus accepte de financer le film à condition qu'il soit tourné en couleur. Casso refuse, et ce n'est pas négociable. Alors, le producteur va tricher encore une fois et les prendre au mot. Le film sera bien tourné en couleur, mais développé en noir et blanc. Pour le cinéaste, il ne s'agit pas d'une coquetterie, ce noir et blanc, mais d'un choix délibéré, presque politique. Utiliser la couleur, en effet, ce serait faire le jeu du documentaire et des médias. Sa cité, il la veut belle, graphique, empreinte d'une aura mythique. Un noir et blanc sublime et tient aussi le spectateur à bonne distance. Attention, nous dit-il, ceci est une fiction, ce n'est pas un reportage. Et pour ne pas tomber dans les clichés, Mathieu Kassovitz décide par ailleurs qu'il n'y aura pas de rap dans la bande-son du film. Hormis bien sûr celui de Didi Kutkila, qui dans une scène devenue culte, remix NTM, Edith Piaf et KRS-One, un classique. Dans le documentaire « Il était une fois à la haine », réalisé par Guillaume Moskowitz, le musicien revient sur la genèse de ce morceau. Quand on discute de ce film, Mathieu me dit « C'est pas un film de rap ». Et je suis interloqué parce que je me dis « Mais de quoi il parle ? C'est un film de quartier, il y a des jeunes de quartier, le rap français commence à être vraiment mis en avant un peu partout ». Et il me dit, il n'y a pas un morceau de rap dans le film. Je fais, mais c'est bizarre. Bizarre. Pourquoi ? Il m'explique, parce que ce n'est pas le rap qui est mis en avant, c'est les jeunes. Et la seule scène, finalement, où il y aura du rap, c'est la tienne. Et on travaille sur la musique. On discute avec Mathieu, on se dit, bah, il faut qu'on arrive à marier quelque chose d'assez populaire avec du hip-hop. Ça serait bien de mélanger les genres. Ah ouais, tu penses ? Ouais. Ok, vas-y, on va essayer de faire ça, c'est intéressant et tout. Et puis on parle, et à un moment donné, je sors Edith Piaf, je lui dis, Edith Piaf, Brel, Cabrel, Edith Piaf. Ouais, ok, je vais essayer de voir si on peut faire un truc avec Edith Piaf. Après 4 semaines intensives passées dans la cité La Noé de Chanteloup les Vignes, l'équipe du film comprend qu'il est temps de partir. Même s'il n'y a pas eu de grosses embrouilles, le tournage a gêné le business des dealers qui, au milieu de tous ces figurants habillés en keuf, n'arrivaient plus à savoir qui était qui, usant à la longue. Casso et sa bande traversent donc le périph' en sens inverse pour filmer la deuxième partie du film qui se passe à Paris le temps d'une nuit. Changement de décor, changement de style. L'équipe est réduite au minimum, la caméra se porte désormais à l'épaule, les scènes sont plus courtes, plus nerveuses, et le son passe de la stéréo au mono. Un contraste esthétique qui souligne le malaise des 3 personnages largués en terre inconnue. Nuit après nuit, jusqu'au dernier jour de tournage, Mathieu Kassovitz maintient la pression. La fatigue se lit sur les visages, mais personne ne s'en plaint, car tous ont conscience qu'ils sont en train de réaliser un gros coup qui va défrayer la chronique. Parole d'acteur, extraite du making-of. Nique sa mère, la police. Ouais, nique sa mère, la police. Même d'en parler des banlieues, moi je trouve ça fait un petit, tout de suite, c'est un petit peu déplacé. C'est la galère là-bas, je te jure. C'est vraiment la merde, quoi. Il va falloir faire quelque chose, sinon ça va péter, tout le monde le sait, et ça continue. Si le film, il peut juste dire ça, et que y a des gens qui ne se sentent pas concernés, qui peuvent juste se rendre compte un petit peu de ça, c'est gagné, quoi. Le producteur, Christophe Rancignon, se souvient encore du jour où il a découvert pour la première fois le film Monté. Une claque. Pourtant, un détail chiffonne encore Mathieu Kassovitz. Il craint que les spectateurs ne comprennent pas que l'histoire se déroule sur une journée. Et la question vire à l'obsession. Comment peut-on se lever le matin et mourir le soir même d'une balle dans la tête ? Alors, le cinéaste retourne en salle de montage et décide de découper son film par heure, affiché sur carton noir, scandé par le tic-tac d'un compte à rebours. Enfin, Mathieu exulte, ce film, c'est une bombe. Elle explosera quelques mois plus tard à Cannes, avant de faire trembler l'Hexagone tout entier. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le 31 mars 1995, 4 jours après avoir reçu le prix de la mise en scène, La Haine sort sur les écrans français et s'impose rapidement comme le film d'une génération, vu par près de 2 millions de spectateurs. Le film d'une époque aussi, c'est indissociable. Nous sommes alors en pleine campagne présidentielle, avec pour grand thème la fracture sociale, slogan du candidat Jacques Chirac. Ce pourrait être aussi le sous-titre de La Haine. Réaction à la sortie d'une salle de ciné. C'était trop bien, madame, trop bien. Réaliste. Il était bien, il était classe. Pourquoi il était bien? Parce qu'il parle un peu de nous. Non, mais je trouve que c'est pas bien de montrer ça pour les jeunes, parce que je trouve que ça rend agressif, c'est tout. Il est bien au début, mais à la fin, on n'a plus envie de le voir, quoi. Mais c'est un film, c'est une histoire. Ouais, c'est une histoire. Mais bon, elle raconte des choses, vrai. À n'importe quelle heure, il débarque les flics et il contrôle tout le monde. Et... Jusqu'ici, tout va bien. C'est comme vous, par exemple, vous sortez un soir, ils viennent, ils vous prennent et ils commencent à vous fouiller. Non, vous, et tout. Vous prendrez au pas, vous êtes tous français. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Vous voyez Mathieu Kassovitz, le réalisateur, qu'est-ce que vous lui diriez? Bien joué. C'est vrai que jusqu'ici tout va bien. Après la sortie du film, suivront 3 Césars, un livre, une expo photo et un album inspiré du film qui fera date dans l'histoire du mouvement hip-hop. À l'étranger, La Haine fait également un tabac et trouve aux États-Unis une ambassadrice de choc, l'actrice Jodie Foster. Elle montre le film à Steven Spielberg, l'idole de Kassovitz, qui est séduit, heureux, dit-il, de savoir que la France a encore la liberté de produire un tel film. C'est l'amour de La Haine. Mais il y a des succès plus ou moins faciles à assumer. Comme si la banlieue restait décidément un sujet pas ordinaire. Les guignols de l'info s'en donnent à cœur joie, par exemple, sur le thème « Hé Mathieu, tu t'es fait des thunes avec nous, file-moi 100 balles ». De leur côté, des syndicats de policiers tirent à boulets rouges contre le film et craignent les conséquences sur le terrain. Un peu dépassé par les événements, mi-fébrile, mi-énervé, le cinéaste enchaîne alors les interviews pour défendre l'intégrité de sa démarche, comme ici sur le plateau de Bouillon de Culture. C'est pas un film anti-policier dans le sens primaire du sujet, c'est un film anti le système qui fait que la police est comme elle est. C'est-à-dire que y a les policiers ont des armes, ils n'ont pas la formation nécessaire, ils sont pas assez payés, ils travaillent dans des conditions difficiles et malheureusement ils sont obligés d'obéir à une hiérarchie, à un ordre et ça tue l'individualité et puis forcément ça amène des bavures. Ouais. Mais vous-même donc c'est pas un film contre les flics parce qu'il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, il y a toutes sortes de gens différents. Ouais. Donc on peut pas englober les choses. À Chanteloup-les-Vignes aussi, le film fait des vagues. Le nom de la cité qui a servi de lieu de tournage n'est pas resté secret longtemps, bien sûr. Et certains se sentent trahis, évidemment. Le titre a changé, droit de cité devenue La Haine. Une image difficile à porter, longue à effacer. Kassovitz, lui, entame ce qui ressemble bien à une longue fuite en avant. Pour en finir au plus vite avec la surmédiatisation, il se lance tête baissée dans un nouveau film, Assassin, désingué 2 ans plus tard au Festival de Cannes 97. Le film le plus nul de l'histoire du cinéma, selon le Figaro. Pourtant dans le genre, il y a embouteillage, mais non, celui-là serait le plus nul. L'année suivante, Casso accepte un film de commande, Les Rivières Pourpres, qui lui ouvre les portes du cinéma américain. Mais sans grand succès. Et puis, de temps en temps, il continue de faire la une, souvent pour de mauvaises raisons d'ailleurs, entre délires complotistes et déclarations de guerre contre le cinéma français. L'amitié entre le réalisateur et les acteurs du film ne survivra pas longtemps non plus. Avec Vincent Cassel, devenu une star internationale, c'est le conflit ouvert et public. Petit à petit, Hubert Koundé et Saïd Tagmaoui se sont eux aussi écartés de la bande et du cinéma français surtout, qui ne leur propose que des rôles de caïds caricaturaux. Koundé s'oriente alors vers l'écriture et la mise en scène de théâtre. Tagmaoui, lui, part aux États-Unis où il ne tarde pas à se faire un nom à Hollywood. Il jouera notamment aux côtés de George Clooney et Mark Wahlberg. Des trajectoires individuelles qui disent peut-être aussi quelque chose de l'époque, de ses révoltes, de ses espoirs et de ses désillusions. Oh God. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la haine. Je discutais avec mon invité, Hugo Vitrani. Bonjour. Bonjour. Pendant le lycée, nous avons commencé à discuter, comme toujours d'ailleurs. Hugo Vitrani, commissaire de l'exposition Jusqu'ici tout va bien, présenté au Palais de Tokyo en septembre dernier, en collaboration avec l'école Courtrage-Mais. Alors, Courtrage-Mais, si vous mettez ça à l'envers, ça fait court-métrage. Donc, c'est du verlan. Une école de création à Clichy-Montfermeil, fondée par le réalisateur Ladj Ly. Vous êtes né en 1987, c'est ça? C'est ça, oui. Hein, je me permets de dire, car votre jeune âge est souvent souligné dans les portraits qui vous sont consacrés. La jeunesse doit être une qualité en soi. Le problème, c'est qu'elle passe. Hein. Attention. Vous étiez donc très jeune à la sortie de La Haine. Mais le propre des films cultes, c'est qu'ils traversent les générations, par définition. Ce film a marqué votre jeunesse. Alors, Si vous étiez très jeune et que vous l'aviez peut-être un peu après. Ma jeunesse, pas tout à fait. Moi, je l'ai découvert plutôt vers 12 ans, donc assez tardivement. Mais effectivement, à l'époque, j'étais en plein dans un deuxième bouillonnement du graffiti, du hip-hop, qui s'était vraiment imposé en France, qui avait déjà émergé du coup avec la génération de Kassovitz et de ses amis. Et ce film était l'un des seuls qui existait. Et donc moi, quand je l'avais vu, j'étais assez étonné de le voir en noir et blanc. Enfin voilà, c'était un choc de cinéma, mais aussi un repère, puisque c'est un film dans lequel il y avait de la danse, de la mode, de la musique, du graffiti, de la politique. Donc ça m'a effectivement marqué dans mon imaginaire. Est-ce que vous l'avez revu après, à l'âge adulte? Je l'ai revu à peu près tous les 4 ans ou 5 ans. C'est un rendez-vous régulier. Ah d'accord. Vous y puisez une source d'inspiration. Vous voyez à travers la haine le temps qui passe et ce qu'il laisse comme trace en le voyant comme ça tous les 4 ans? Ben, on voit qu'il est toujours d'actualité. Tous les ans, ça continue. Il y a les mêmes histoires. Il y a cette même nécessité de retourner le regard médiatique, de retourner le regard politique, de regarder le regard des jeunes. Et on voit que les bases continuent d'être toujours d'actualité. Donc effectivement, c'est une sorte de repère temporel, mais qui est aussi un phare. Vous êtes donc aujourd'hui commissaire d'exposition spécialisé dans l'art urbain. Quel est, dans la matière, votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette culture de la rue? Alors, un parcours chaotique. Moi, je viens déjà des beaux quartiers, donc je fais attention à pas nourrir un fantasme trop gros de ces cultures. Mais comme Kassovitz d'ailleurs, hein, qui vient aussi des beaux quartiers. Mais le mouvement hip-hop est un des rares grands mouvements culturels qui a réuni les classes sociales, puisqu'il y avait dans les années 80 un terrain vague qui s'appelait le terrain de Stalingrad, qui était le grand lieu du hip-hop en Europe, qui avait été découvert par des graffeurs qui s'appelaient les BBC, et dans lequel des graffeurs venaient peindre de l'Europe entière, des artistes venaient danser, venaient scratcher, il y avait DJ Dynasty, et il y avait des fils de migrants polonais, de migrants portugais, et à côté de ça, il y avait Vincent Cassel, il y avait Bando, grand tagger, pionnier du graffiti en France, qui fait partie de la famille Lehman Brothers. Donc d'un coup, on a vu que ce mouvement, depuis le début, a mixé comme ça les classes sociales, comme dans le collectif Courtrage-Mais aussi, puisqu'on a des artistes comme Kim Chapiron avec Ladji, donc des milieux sociaux très différents. Et votre volonté ensuite d'amener l'art de la rue dans les musées, enfin c'est une démarche intéressante, parce qu'on a l'art de la rue, et puis on le confine, mais alors d'un point de vue positif, hein, parce que ce mot nous exaspère maintenant, confiné. On le met dans un musée, c'est intéressant comme démarche, c'est même audacieux. Comment ça vous est venu l'idée et comment vous l'avez menée? Effectivement, moi je m'intéressais beaucoup au graffiti, je l'ai pratiqué, j'ai traîné beaucoup avec des gens qui le pratiquaient, et on le voyait peu dans les institutions. Et pourtant, depuis les années 80, ce mouvement est passé dans les institutions, puisque depuis les années 80, par exemple, il y avait une grande exposition au MoMA PS1, qui s'appelait New York New Wave, et qui réunissait Jean-Michel Basquiat, Kissaring, Ramelzi, des grands noms du graffiti, des grands noms du monde de l'art, mais qui à l'époque étaient juste des jeunes gamins qui débutaient. Et du coup, on a vu dès le début que beaucoup d'artistes qui venaient de la rue refusaient de se faire enfermer dehors. Parce que vous dites enfermer dehors. Le monde de l'art qui cherche ses artistes dans les mêmes réseaux, donc les ateliers des écoles d'art, les galeries, les biennales, oublie de regarder ce qui se passe dans la rue et donc prend le prétexte de l'embourgeoisement d'une pratique. Puisque quand on passerait de la rue à l'atelier et à l'institution, on s'embourgeoiserait. Mais c'est un argument qui est souvent juste là pour fermer la porte. Et donc, effectivement, au Palais de Tokyo, on a eu l'envie de l'ouvrir depuis 2012. Donc, on a invité une centaine d'artistes qui habituellement travaillent dans la rue. Et oui, Trani, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Sopico qui nous chante sans titre. Ça s'appelle sans titre, on ne va pas vous donner le titre. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le Jax. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Ma jeunesse était super, même si parfois j'étais déçu d'elle. On a rien à part la tête et le cœur. J'suis dans la boue en train de maqueter le skeu. D'un tas de concurrents qui va péter le seum. J'suis bloqué dans mes gâchites. J'essaie d'écrire un morceau de mes racines. Faut pas me déranger, j't'ai déjà dit. Ton énergie de fils de pute est négative. J'ai prononcé un mot qu'il fallait pas et t'es parti. Des histoires qu'on efface comme des emojis. C'est ton ego qui parle ou tu fais des caprices. Dis-moi comment tu voudrais que je sois touché. Tu voudrais que je sois jugé, que je sois coupable. Je reste attentif si jamais quoi ou quel. Tellement d'histoires, tu comptes plus les coupables. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le Jax. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le Jax. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Je vais pas révéler nos chiffres, maintenant je peux plus compter les notifs. Je te laisse écouter la mélodie. Si ça met trop lu les gros titres, ego je travaille et mes croquis. Le faire pour de vrai et le leitmotiv. T'es dans la ville et t'enchaînes, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le Jax. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le Jax. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. T'es dans la ville et t'enchaînes, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu peux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le Jax. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. T'es dans la ville et t'enchaînes, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. Ego Vitrani, tiens, votre opinion là sur ce que vous venez d'entendre, Sopico. Vous parliez de nouvelle pop, c'est ça? Oui, on voit que le mouvement du rap aujourd'hui est devenu omniprésent aujourd'hui dans la radio, dans la musique, et on voit les succès énormissimes de personnes comme Booba, Damso, PNL, qui ont ces nouvelles chansons avec de l'autotune, qui sont comme des comptines pour enfants, mais assez sombres. Et donc on est vraiment dans une nouvelle pop, la nouvelle chanson française, la nouvelle variété française. Très bien. L'expo qui nous intéresse aujourd'hui, jusqu'ici tout va bien, donc a été présentée au Palais de Tokyo du 29 août au 11 septembre dernier. Ça on le sait, mais je voulais surtout dire qu'elle a été réalisée avec une trentaine d'étudiants de l'école Courtrage-Jamais. Vous pouvez nous parler de l'école Courtrage-Jamais? Alors l'école Courtrage-Jamais, elle a été ouverte en 2018 par le réalisateur Ledgely, qui finalement a voulu faire l'école qu'il n'avait pas pu avoir quand il était jeune, donc à Clichy, Montfermeil, donc chez lui. Et du coup, c'est une école qui est une école alternative, qui est sans condition de diplôme, sans condition d'âge, et qui est gratuite, et qui offre un enseignement alternatif, du coup, pour des jeunes qui ont des profils qui sont pas ceux qu'on retrouve habituellement dans les écoles de cinéma ou les écoles d'art, puisque depuis 2019, l'artiste JR l'a rejoint pour faire une section art et images. Et cette année, lundi, ça vient d'être annoncé, Ludy Vinsani a inauguré sa section sur les acteurs. Donc c'est une école comme ça qui vient mettre un coup de poing dans l'enseignement artistique et cinématographique français. Et il y a beaucoup de candidats, ça marche? Il y a plusieurs milliers à chaque fois pour chaque section de candidats. Ils retiennent une quinzaine de candidats, donc c'est une sélection assez rude. Donc oui, c'est même très dur comme sélection. Oui. Bien, alors la trentaine d'élèves de l'école invités au Palais de Tokyo pour créer à travers leur œuvre un pont entre deux films cultes, La Haine 1995, et Les Misérables, 2019. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Qu'est-ce qu'ils ont souligné comme thème commun? Vous disiez tout à l'heure, la haine est toujours d'actualité. Bon, il y a un fil évident entre les deux. Effectivement, quand on a eu l'idée de faire cette exposition, en fait, c'est né d'interventions que le Palais de Tokyo faisait à travers moi, donc des masterclass, qu'ils appellent des masterclass, des cours sur le métier de commissaire d'exposition et comment réaliser une expo. Et on s'est dit tout de suite, en fait, il faut pas juste faire un cours théorique, faut aller dans la pratique et faire un cas d'école. Et donc faire une exposition qui serait une exposition pour le Palais de Tokyo et un workshop pour les élèves. Workshop dans le sens où on voulait qu'ils apprennent comment travailler avec un monteur, comment travailler avec un assistant, comment travailler avec la com, comment on fait sa propre com, pour qu'ils connaissent tous les échelons de l'institution, comment on trouve un titre, un thème. Et d'un coup, le thème qui s'imposait, c'était la haine, mais pas la haine pour illustrer le film, mais plutôt la haine comme sentiment de point de départ. C'était le point de départ du film de Kassovitz il y a 25 ans. On voit que ce film aujourd'hui est toujours d'actualité, qu'il y retrouve un écho avec Les Misérables. Et donc on leur a posé la question, qu'est-ce qui vous fout la haine en 2020? Qu'est-ce qu'ils répondent? Et du coup, ils nous ont parlé de politique, ils nous ont parlé de problèmes sociaux, ils nous ont parlé de féminisme, de la sous-représentation des femmes dans les institutions. Donc on a eu un projet qui s'appelle Ta mère, par exemple, avec Eléa, qui a fait une trentaine de portraits de réalisatrices, de militantes, de familles de victimes, d'avocats, d'artistes, qui nous regarde comme ça, qui nous toise en nous disant, voilà, c'est le grand remplacement, on arrive, vous nous avez mis de côté dans vos films, un peu macho, vous nous avez mis de côté dans les institutions, ben on vient prendre la place. Il parle aussi beaucoup de bavures policières, puisqu'on a vu que le sujet était extrêmement d'actualité, notamment avec l'affaire Adama, donc qui a été très présente dans certaines œuvres. Mais il parle aussi de la question du genre, donc il y a des artistes comme Nouta qui ont questionné voilà, les codes macho, virils, un peu véhiculés sur la banlieue et par la banlieue, en travaillant avec des mannequins androgynes. Il parle aussi de l'appropriation culturelle du monde du luxe, qui s'approprie toutes les influences de la rue, de la banlieue, et comment d'un coup, la culture de banlieue s'est elle-même fait influencer par le monde du luxe, puisque maintenant ce monde leur parle plus. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qui ont été soulevés. Ce sont les sujets qui traversent la société contemporaine, hein. Vraiment, on est vraiment dans les préoccupations de la société contemporaine, dans ce qu'elle présente d'échecs, mais aussi de succès, de progrès. Je pense notamment aux femmes, le chemin est encore long, mais il y a eu des progrès. Alors, quand on arrive dans l'expo, on est tout de suite attiré par une installation performée d'Émilie Priat, baptisée La Chambre de Sarah. Vous me parlez de La Chambre de Sarah? Effectivement, on a ouvert l'exposition avec la reconstitution de La Chambre de Sarah. Sarah, c'est ce personnage dans La Haine, qui est la sœur de Vince, et qui est une sorte de plan de coupe. Ils vivent dans la même chambre, Sarah et Vince. Un rideau les sépare, mais on voit que le côté de Vince. Et Émilie s'est dit, c'est étonnant, Sarah c'est quand même la sœur du personnage principal, son frère se fait tuer, et on n'en sait pas plus. Donc elle a voulu reconstituer sa chambre à l'identique, en faisant tout un travail de recherche sur qu'est-ce qu'une jeune fille écoute, qu'est-ce qu'elle a comme poster, comme objet, en 97, puisqu'elle se met 2 ans après la mort de Vince. Et tous les jours, elle venait dans l'exposition pour performer et vivre dans cette chambre. Donc parfois, elle faisait de la musique, parfois, elle écoutait de la musique, parfois, elle dessinait, parfois, elle roulait un joint. Et elle redonnait un corps et une vie à ce personnage qui n'avait qu'un prénom. Une autre œuvre monumentale présentée dans cette exposition, la voiture de police suspendue dans les airs. Évidemment, c'est une œuvre qui a marqué les esprits, qui a été réalisée par un artiste dont on ne dira pas le nom, puisque c'est un artiste qui travaille illégalement. Peut-être si vous vous baladez un peu en France, vous avez peut-être vu sur les toits des murs une peinture de voiture de police faite dans un style naïf avec marqué police mais à l'envers. Donc c'est un artiste qui fait beaucoup de graffiti illégal comme ça, en se jetant dans le vide, et qui peint illégalement, et qui a fait une grande piñata au milieu de l'exposition, qui s'appelle « Objet à détruire », c'est un hommage à Duchamp. Et donc l'idée, c'était de voir si quelqu'un du public allait comprendre le message et détruire cette œuvre. Alors, cette expo dont on parle, mais qui est terminée, elle va voyager ou vous allez vous lancer dans de nouvelles expos? Alors, a priori, non. L'exposition s'est faite en 2 mois et demi. On a tout produit, donc 29 artistes, 29 nouvelles œuvres. Dans une urgence, et on n'a pas pensé à ce qui allait se passer après, c'était plutôt une réaction urgente, à chaud, et c'est la méthode un peu de Courtrage, mais c'est d'aller comme ça dans le système D et l'urgence. Merci infiniment Hugo Vitrani, c'est déjà terminé. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Haine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre Faucillon.